Encore mieux. Une série de lectures proposées par France Culture et le Théâtre du Rond-Point. Texte de GB, choisi par Jean-Michel Ribes, lu par François Morel, enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris le 20 juin 2015. Du côté de la presse. Dans la presse, ils m'appellent l'ordure. Entre eux, ils se disent coco. Ce sont des types à l'imagination simple. Ils posent au labyrinthe, mais ils sont sans détour. Vous entrez, vous sortez, vous avez tout vu. Et ils pensent ce qu'ils écrivent, rien de plus. Ils aimeraient qu'on s'imagine qu'ils n'écrivent que le centième de ce qu'ils pensent ou qu'ils n'écrivent pas ce qu'ils pensent, mais non. Ce qu'ils ont dans la tête, c'est juste ce qui est imprimé. Vous prenez n'importe lequel, vous l'enfermez dans un buffet, de quoi écrire, de la lumière, vous lui dites « c'est le reportage de ta vie ». Au fur et à mesure qu'ils seront noircis, tu glisseras les feuillets dans le tiroir du haut par l'intérieur. Au début, vous tirerez le tiroir toutes les 5 minutes. Forcément, on s'attend à ce qu'un journaliste coincé en lâche de raide. Vous serez déçu. D'abord des menaces banales. Quoi ? Moi dans un buffet ? Ensuite, il essaiera de vous embobiner en débinant ses collègues, son directeur, la profession, les gros bonnets qui tirent les ficelles et les lecteurs qui boivent du vin rouge avec les huîtres. Après, il tapera dans les portes à coups de poing, à coups de pied. Longtemps après, il se décidera à écrire le truc, bon Dieu, qu'après tout, en effet, il aurait dû écrire à l'époque où il avait la foi. Un jour, vous y repenserez, vous ouvrirez le tiroir, le message de l'homme, on peut même dire son testament, sera là. Ce sera l'histoire d'un type avec une femme et en avant, 300 pages. Voilà ce qu'il y a dans les buffets. Ma prison. Était-il nécessaire de faire un reportage de plus sur la prison, avec interview du directeur, témoignage des gardiens, parole des détenus? Un énième reportage objectif, honnête et inévitablement truqué du fait qu'à la fin, comme toujours, le journaliste sort. Ici, le journaliste entre. Il entre chez lui. La porte se referme. Claque sur son univers carcéral. Il n'est pas prêt de sortir. Depuis ce matin, je marche dans la ville, de café crème en café crème, en quête de mon futur crime. 10 heures sonnent lorsque, tranquillement, il accoste près de moi au bord d'un trottoir. Exactement ce qu'il me faut. Le petit vieux s'éloigne en serrant une grande enveloppe sous son bras. Malgré son âge et ses jambes raides, il travaille encore pour vivre, faisant des courses. Une enveloppe ici, un paquet là. Justement, il entre dans un immeuble commercial. D'un bond, je saute sur sa bicyclette. Une anguleuse machine noire, et je file. Je suis un voleur. Ce soir, je coucherai en prison. Tête basse, je gravis mes 2 étages. J'ouvre ma porte, l'enlève de ses gonds et la dépose à côté d'une autre porte exécutée selon mes plans par un habile serrurier et qui doit très exactement se substituer à ma porte d'honnête homme. 2 heures d'effort confirment la justesse de mes mesures. La lourde grille tourne et ferme bien. Un peu d'huile sur les gonds et dans l'énorme serrure. Et me voilà irrévocablement acculé à mon dernier geste libre, tourner la clé. C'est fait. Je passe la main à travers les barreaux et j'accroche la clé au clou que j'ai planté à cette intention sur le mur du palier. Je suis un prisonnier. Je quitte mes vêtements et j'enfile la tenue rayée de la honte. Je n'ai gardé que mes chaussures, mais conforme au règlement, sans lacets. Un instant, l'angoisse m'effleure. Puis, tout naturellement, j'empoigne 2 barreaux contre lesquels mon visage vient s'appuyer. Le corps collé à la grille, le regard au-delà, Animal déjà résigné, je renifle l'air du palier qu'étend les effluves de la liberté perdue. Je récapitule. Tout est en place. La porte à barreaux, la tenue rayée et la justification de ma détention, ce délit bassement crapuleux qui, convenablement cultivé, me fournira un autre élément important de cette expérience, le remords. Voleur de bicyclette, voleur de l'unique gagne-pain d'un vieillard. Déjà, la pensée de la pauvre bécane dérobée, humiliée et abandonnée me déchire le cœur. Je garde ces émotions pour les longues nuits à venir et j'entame ma première miche de pain grossier. J'ai 10 miches semblables, des boîtes de singes, un ouvre-boîte, des bouteilles d'eau minérale. Je me suis dissimulé du tabac dans ma paillasse et j'ai fermé les yeux sur le briquet passé en fraude dans ma chaussure. Tolérance qui me semble d'usage dans les prisons. Mon emploi du temps est simple. 5 heures, réveil. 1 minute d'immobilité au pied du lit. Ensuite, aération de la paillasse, balayage de la cellule. 6 heures, café. De 7 à 10 heures, confection de chaussons de lisière. 10 heures, promenade réglementée. Je prends la clé pendue à l'extérieur, j'ouvre et je me place sur le pas de la porte. 1 minute d'immobilité. À la suite de quoi, j'entame sur le palier une promenade circulaire et silencieuse de 50 tours. Après le déjeuner, activité libre. Je prends des notes pour le livre témoignage que je compte écrire à ma sortie et auquel cet article devrait faire une bonne publicité. Repas du soir à 19h, extinction des feux à 20h. Je consacre une bonne partie de mes nuits à la méditation, à la contemplation poétique des jeux de lune dans l'escalier, aux remords plus acides de jour en jour. Afin que la gamme de mes sentiments de détenu soit complète, je passe de longues heures à mettre au point une tentative d'évasion. La sécheresse de cet emploi du temps ne peut bien entendu rendre exactement compte de ma vie en cellule, dont le fil se tresse étroitement avec celui de la vie de l'immeuble. Mes voisins passent et repassent devant ma cellule. Certains jours, je dois retarder ma promenade, le palier étant occupé par un groupe de commères. Hier, le releveur du gaz est passé. Je lui dis « Excusez-moi, je suis en prison ». Comme il partait sans me dire au revoir, je l'ai cru fâché. D'habitude, nous trinquons. 10 minutes plus tard, il revenait, glissait un regard à droite et à gauche et me forçait à accepter des oranges achetées pour moi. Puis, il sortit une bouteille. « Je suis en prison, lui dis-je. » « Je suis en service, » me répliqua-t-il, « et nous bûmes à cela. » Longtemps nous devisâmes, chacun tenant un barreau. Le vin m'a rendu mélancolique. Après son départ, j'ai longuement pleuré sur la bicyclette. Je suis content de la tournure que prend mon reportage et ne regrette pas cette expérience. J'ai là, sous les yeux, offerte à ma réflexion, toutes les attitudes et les réactions humaines vis-à-vis d'un détenu. Le prisonnier ordinaire ne peut observer que les humeurs de son gardien. Moi, je peux analyser les sentiments de tout un immeuble à l'égard de ma nouvelle condition. À la tête de ceux qui feignent de m'ignorer vient ma concierge qui, chaque jour, comme si de rien n'était, glisse mon courrier sous les barreaux. Le facteur lui fait à mon goût de l'excès de zèle et je compte bien le lui faire savoir lorsque ma peine purgée, j'aurai repris mes droits civiques. M'apportant ce matin un colis recommandé, il s'est cru tenu, l'uniforme l'égarant, de l'ouvrir et de sonder tout ce qu'il contenait à l'aide d'un tournevis. Avalant ma honte, je l'ai vu éplucher mes cigarettes, malaxer le pâté et mordre dans le saucisson. Avec prudence au début à cause de la lime, puis avec rage à cause du manque de lime. Le salaud. Dans quelque temps, s'il est prévoyant, il devra se munir d'un solide antivol pour sa bicyclette. C'est dit. Je m'évade. j'ai réussi à soudoyer mon voisin de palier. En échange d'une exorbitante reconnaissance de dette, il m'a fait passer une vieille scie à métaux et un costume civil qu'il comptait jeter. J'ai attaqué un barreau et je sais maintenant que c'est un travail long, déprimant et dangereux. Le locataire du dessous a tapé au plafond. J'ai dû réduire ma cadence de travail et emmailloter la scie. Le barreau est encore en place, mais un enfant, en s'y appuyant, pourrait le tordre. J'ai revêtu ma tenue civile. Les draps sont noués. Il est 16 heures. Les ménagères tricotent. La voie est libre. En avant. Le barreau plie comme un barreau de beurre. En deux sauts, le palier est franchi. J'attache solidement, mais prestement, les draps à la rampe. J'enjambe. J'agrippe le drap. La glissade vers la liberté commence. Le premier étage passe devant mes yeux. Aucune porte ne s'ouvre. Enfin, mes pieds touchent le rez-de-chaussée. Libre. En contenant ma hâte, j'enfile un petit couloir. Au bout, une porte, puis le hall et la rue. Je pousse la porte. « Tenez, justement, le voilà !» C'est la concierge qui vient de prononcer ces mots en me désignant à deux agents. Il s'approche de moi. « Veuillez nous suivre !»« Mais pourquoi ?»« On ne sait pas trop, une histoire de vol de vélo, quelque chose comme ça. Le commissaire voudrait vous interroger. Allez, en route !» Juste comme nous sortions, nous avons croisé l'employé du gaz. Il m'a dit « On vous transfère ?» J'ai dit oui pour ne rien avoir à expliquer. Les agents n'ont pas vu d'inconvénient à ce qu'ils me donnent les oranges, mais pour la bouteille, il n'a pas osé demander. Il est resté comme ça sur le trottoir, sa bouteille à la main, pendant que nous nous éloignions. Le soir même, je couchais en prison. Au front. La presse du temps de paix pratique la politique de l'autruche. La tête enfouie dans le sable des intrigues de cour, des futilités mondaines et des guerres exotiques, elle ignore délibérément le front. Promu correspondant de guerre par le seul journal ne craignant pas de choquer ses lecteurs, j'ai fait le long voyage qui mène en première ligne. Destination, boue. Froid et peur. Le guichet renseignement est le dernier à droite, au fond du hall désert, face au buffet. L'employé me regarde venir de très loin, je le regarde aussi en m'approchant, si bien que lorsque je m'arrête devant son guichet, nous nous connaissons. À quelle heure ai-je un train pour le front ? Je suis désolé, mon vieux, mais les chemins de fer ne desservent plus le front. En temps de paix, l'exploitation n'en est pas rentable. Alors comment puis-je faire ? Par l'écart, peut-être. À ma connaissance, il n'existe pas non plus de service de car. À quel titre vous rendez-vous au front ? Je lui montre mes papiers. Carte de correspondant de guerre, laissez-passer, carte de reporter, ordre de mission. À la manière dont il examine tout cela, je devine qu'il existe une possibilité. Il se lève et sort en me faisant un petit signe rassurant. Il revient avec le sourire et me tend mes papiers. « C'est arrangé, la compagnie met à votre disposition un wagon spécial qui sera accroché au train régulier. Trouvez-vous au quai militaire à 23h30. Vous serez attendu. Je vous souhaite bon voyage et bonne chance. » J'ai une demi-heure d'attente. Le buffet est à ma gauche. Je vais m'accouder au comptoir. Un vin chaud, bien sucré. Tout de suite, militaire. Militaire. Pourtant, j'ai coiffé un chapeau mou par-dessus mon casque. Peut-être le garçon a-t-il remarqué la jugulaire. Mais à une certaine époque, les enfants portaient bien leur chapeau de paille retenu par une jugulaire. Alors, l'intuition ? À moins que, tout simplement, mon comportement ne me trahisse. L'air du type qui monte en ligne. Une manière de me tenir au comptoir comme un parapet de tranchée. Le garçon revient avec un vin chaud fumant, puis se tournant vers un porteur qui vient d'arriver. « Et pour vous, militaire ?» Le porteur a humé mon vin chaud, qu'un vin chaud aussi, et il se frotte les mains. 50 types entrent et s'accoudent. « Alors, militaire, 50 vins chauds, et il se frotte les mains. 600 000 hommes, 600 000 vins chauds. Allez, on y va. Allô, allô. En raison de l'afflux exceptionnel de voyageurs, la compagnie organise des convois spéciaux en direction du front. Rendez-vous au quai militaire. » La guerre, ce n'est pas autre chose. Une soudaine amitié de comptoir, une euphorie collective, fumante et bien sucrée, des services publics complices. On ne se quitte plus. Allez, on y va. Je devine que le porteur ouvre la bouche pour m'adresser la parole, alors je sors. Je n'ai pas envie de déclencher un conflit. Je me dirige cotonneusement vers le quai militaire. Un petit wagon de marchandises stationne à la limite d'une plateforme bétonnée qui s'étale à perte de vue dans toutes les directions. Près du wagon, un militaire m'observe. Je m'approche en le regardant. Nous ne nous connaissons pas, il me salue militairement, je quitte mon chapeau et le salue militairement. C'est un adjudant. Voilà votre wagon spécial, vous pouvez monter, la loco de manœuvre va venir s'atteler et ira vous accrocher au train régulier. Et défense de fumer et de faire le moindre signe lumineux. Où dois-je descendre ? Vous ne savez pas où vous allez ? Si, mais à quoi reconnaîtrais-je que j'y suis ? C'est votre affaire. Moi, j'ai reçu mission de procéder à votre embarquement. Un point, c'est tout. Bon voyage. Attention, je ferme la porte. Défense d'ouvrir avant que vous n'ayez quitté la gare. Ah, j'oubliais, signé ici. Vous avez deux couvertures en compte. Vous tâcherez de les replier demain matin et de ne pas filer avec, sinon ça vous coûterait cher. Dormir seul dans un wagon de marchandises qui roule est une chose délectable. Au creux de la paille et des couvertures, je passe de la songerie au sommeil. Je rêve que je fume. Je me réveille et je fume. Songe le temps d'une cigarette et me rendors. Seule l'incertitude de l'instant où je devrais quitter le train me gâche ma quiétude. L'aube glacée. Je plie mes couvertures et j'entrouve la porte coulissante. Je ne dois pas être loin. Maintenant, guetter. La plaine givrée tourne lentement devant moi comme un grand micro-sillon blanc et muet. Le fait que je ne songe qu'à goûter cette absence de musique met en évidence mon calme et la certitude que j'ai de savoir reconnaître le signe. À mes pieds, le ballast s'écoule furieusement lorsque soudain tout s'immobilise, comme une courroie qui patine sur sa poulie. Le train roule toujours, je le sens, mais le paysage ne tourne plus. Le ballast est figé. D'une seconde à l'autre, tout peut recommencer à bouger. C'est l'instant, je dois sauter, je saute. Je me retrouve debout sur le talus. Abandonné, le train rétrécit à 100 à l'heure en emportant son bruit. Je descends le talus et m'engage à travers champs sans savoir où je vais. Mais il fait froid. Je marche. Le silence soudain me surprend. Un silence brutal, comme si, à l'instant même, un vacarme infernal venait de cesser brusquement aspiré. Pas un silence, mais une trêve de bruit après des déferlements d'explosions, de hurlements, de grondements, de stridences frénétiques, de chocs monstrueux. Le silence et l'immobilité. Immobilité sournoise d'un paysage voué à un chaos imminent. Des corps calmes et paisibles, tendus à la limite du déchirement. J'ai peur. La menace est partout. Je me jette à plat ventre. Je suis au front. Personne n'a jamais pu prétendre être mieux planqué qu'un autre en première ligne. Donc, je reste où je suis. D'ailleurs, je serais incapable de bouger. Ça a été trop brutal. Je dois d'abord m'habituer. Alors, autant ici qu'ailleurs. Toujours contre terre et avec d'infinies précautions, je m'arme de ma pelle de campagne et je commence mon trou individuel. La terre est gelée, mais l'idée du trou protecteur me donne du courage. Je l'ai fait grand, Je peux m'asseoir. Je vais manger une ration, boire à ma thermos et fumer en dissimulant ma cigarette. Puis, je réfléchirai. Je suis maintenant très calme. Cela me permet de bien supporter l'émotion que me cause l'arrivée en boulet dans mon trou d'un individu essoufflé et un peu hagard. Café, cigarette, il se remet vite. Je crois tout d'abord avoir affaire à un correspondant de guerre. Il rit. « Non, ce n'est pas tout à fait cela. J'appartiens, me confie-t-il, à l'Office international de repérage des fronts. Un front, c'est une zone bien réelle qui existe en permanence mais qui se déplace constamment. C'est une sorte de lieu privilégié où se polarisent certaines forces magnétiques favorables à l'épanouissement de la violence et de la combativité. Des troupes ennemies, même animées d'une grande haine réciproque, ont peu de chances de se livrer combat avec cœur en dehors de cette ligne idéale. » En marge du front, les ennemis s'évitent. Il est donc de première importance pour les états-majors de tous les pays de suivre les fluctuations de cette ligne capricieuse afin de manœuvrer leurs troupes avec exactitude en cas de conflit. Nous répondons au seul intérêt commun que peuvent avoir deux belligérants, trouver le contact pour se battre efficacement. L'office auquel j'appartiens en tant que détecteur renseigne journellement tous les états-majors avec un grand souci d'objectivité et de précision. Nous sommes d'intérêt mondial et, bien entendu, absolument neutre. Mais comment pouvez-vous suivre les déplacements d'une conjonction d'éléments aussi subtils que ceux qui composent un front ? Et d'abord, comment le repérez-vous ? Comme vous-même l'avez fait, mon cher. Grâce à une intuition hypersensible. Un observateur entraîné ne peut absolument pas se tromper. Silence et imminence, c'est le front en temps de paix. « Mais vous êtes un salaud, lui dis-je, et vous appartenez à un office de salaud !» À son air surpris, je comprends que j'ai peu de chance de lui faire admettre ce point de vue. Déjà, la journée s'avance. Alors, profitant de l'envie de tuer que l'on éprouve sainement qu'au front, et de l'adresse à tuer dont un amateur ne jouit qu'en ce lieu, je donne au détecteur un petit coup de pelle de campagne qui le rend immédiatement propriétaire du trou. Ma peur est tombée. La nature me paraît paisible et rassurante. Le dernier charme dangereux, le silence, se rompt. Un corbeau, venu se poser près de nous, fait entendre son chant. Le front s'est déplacé. Le front est en balade, son mouchard à ses trousses. Cette nuit, les états-majors dormiront mal et l'office de détection aura des cauchemars. Je rebouche le trou, remodèle modes et touffes en souhaitant que ce camouflage hâtif trompe la curiosité locale assez longtemps. C'est alors que du ciel descend ma récompense, mon prix Nobel de la paix, la neige. C'était Encore mieux, une série de lectures proposée par le Théâtre du Rond-Point à Paris et France Culture. Enregistrée en public le 20 juin 2015 au Théâtre du Rond-Point. Texte choisi par Jean-Michel Ribe, extrait de Reportage pas vraiment raté de GB, paru aux éditions Le Dilettante, lu par François Morel. Équipe technique, Bernard Legac et Delphine Baudet, assistante à la réalisation Clémence Gross, réalisation Sophie Haute-Picon. Remerciements à Yann Quedlot et à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point.